227, self-testing exercise. Uses of the verb aller. Choose the correct answer for each question you hear. 1. Comment allez-vous? 2. Où vas-tu? 3. Ça va? 4. Ça ne va pas? Tu es malade? 5. Vous allez bien? 6. Où est-ce que vous allez?